tourné et tournoyé, chevalier d'apparat. Tourné et tournoyé, héros d'amour courtois. Tourné, tourné, tourné, beaux chevaux d'autrefois. Tourné et tournoyé, tout superbe et droit. Que flottent dans ma tête ces souvenirs de fête, et que je vous revois au bal du roi François. Passer et repasser, princesse à crinoline. Danser et tournoyer au son des mandolines. Passer et repasser, ma belle de jadis. Passer et repasser, princesse à fleur de lys. Vous flottez dans ma tête et j'en ai le tournis. Mes belles, je vous suis car vous êtes ma quête. Roulez, roulez, roulez, tambourez-vous, torrent. Roulez et emportez les amours du vieux temps. Coulez, roux, coulez, ruisseau d'amour d'antan. Coulez et roux, coulez, amour que nul n'entend. Mais vous venez à moi, bravant les brouillards froids. Des ans qui nous séparent, alors je me prépare. Apportez vos couleurs au tournoi tout à l'heure. Tournez et tournoyez, héros d'amour courtois. Héros d'amour courtois.